identité périmée, provisoire, ou bien le nom de qui masque aussi un problème politique profond dans sa relation, et pas seulement dans son opposition d'ailleurs au libéralisme, qui lui a aussi ses propres dérives sous le nom parfois de l'ultra-libéralisme. Il est aussi peut-être considéré comme une option politique et non pas comme un aspect profond des choix politiques d'une société. Que désigne donc le mot socialisme ? Le mot socialisme désigne finalement deux choses. Il ne désigne pas seulement la reconnaissance d'une dimension sociale de nos vies comme une dimension première, d'un point de vue, disons, philosophique. Certes, c'est le sens premier, celui que Jean Jaurès, par exemple, dans sa première thèse de doctorat, proprement d'histoire de la philosophie, les origines du socialisme allemand jusque dans le protestantisme de Martin Luther, celle que, justement, Jean Jaurès voyait à l'origine du politique socialiste elle-même, une sorte de conception collective de l'humanité qui atteindrait son bien ensemble ou bien pas du tout, d'une sorte de primauté de la société sur l'individu. Mais comme doctrine politique, le socialisme a un deuxième élément très important. Ce n'est pas seulement la thèse philosophique d'une sorte de primat ou en tout cas de dimension sociale dans nos vies, c'est aussi l'idée d'une action politique sur la société, l'idée que le politique, au nom de la dimension sociale de nos vies, peut intervenir dans la vie individuelle, dans les relations individuelles elles-mêmes. Et donc c'est cette dimension d'intervention du politique au nom de la société dans nos vies individuelles, par exemple par l'impôt, pour répartir, redistribuer, par exemple aussi par des règles communes, par une régulation de nos activités individuelles, c'est là ce qui définit le socialisme politique, par exemple encore chez Jaurès, dans des cours inédit jusqu'à récemment, intitulé « Qu'est-ce que le socialisme ?» La société a le droit, dit Jaurès, d'intervenir en fait dans la vie des individus et peut-être même, dit-il, dans les conditions même de la vie, jusque dans les relations de travail. Réguler les relations de travail, qui sont aussi des relations de force et parfois de pouvoir, voilà l'intervention du socialisme en tant que doctrine politique. Et aussi les relations de propriété, bien sûr, qui sont au cœur du communisme historique. Mais justement, le socialisme comporte ainsi défini des degrés. Quel est le juste degré d'intervention du politique au nom de la société dans les vies et les actions individuelles? Il y a alors tous les degrés, jusqu'au communisme qui définit en effet cette intervention comme globale et potentiellement totale, jusqu'à des abus et des oppressions sur les individus, et en passant par des conciliations nécessaires de ce primat de la société avec la liberté individuelle, avec ce libéralisme qui est forcément le complémentaire du socialisme, puisque le but du socialisme, chez ce même Jean Jaurès, c'est de construire des individus libres. Ce n'est pas de les détruire, c'est au contraire d'intervenir dans ce qui, dans leur relation, peut devenir une oppression et une injustice. Ainsi, l'équilibre entre la liberté et l'égalité, entre le libéralisme et le socialisme, qui n'est jamais facile à trouver, est pourtant indispensable. Toute société a quelque chose de socialiste, au sens où, au nom de sa totalité, elle intervient dans les relations entre les individus pour les réguler et pour y introduire de la justice. C'est le degré qui importe ici, c'est le débat qui importe ici, mais pas le refoulement ni le rejet d'un côté comme de l'autre. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page « Le pourquoi du comment ». Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni avec Avril Poignant-Le Goff, Manon Delasselle, Géraldine Wosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès et Laurence Malonda qui réalisent cette série d'émissions pour vous. À la prise de son aujourd'hui, c'était Élise Leu, à la lecture des textes Denis Podalydès. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Demain, après Attente et Je t'aime, ce sera Jalousie, en compagnie de Mathieu Messager. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter les émissions en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous les écoutez où vous voulez et quand vous voulez. Et on vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.